Elles se marièrent et eurent beaucoup d'emmerdes. De Hélène Le Gall. Deuxième épisode, l'enfer des nains. Oui, Cendrillon, c'est Albert. Bon, je sais que tu es super fâché. Ça fait au moins le 20e message que je te laisse depuis ce matin. Bon, j'imagine que tu as besoin d'un peu de temps. Mais j'ai besoin de t'expliquer certaines choses. Rappelle-moi. Sinon, les enfants, ça va, ils attendent que tu reviennes. Je sais pas trop quoi leur dire, enfin, je leur ai dit que t'allais revenir. Parce que tu vas revenir, hein? Bon, je t'aime. Salon la forêt. 2 minutes d'arrêt. Pour la sortie, veuillez emprunter les passages souterrains. Ouh, Cendrillon, on est là! Salut Blanche-Neige! Salut les nains! Salut! C'est gentil de... Excuse-moi. Oh, ma chérie, ça va aller. Oh, t'as bien fait de m'appeler. Tu vas te recaquer quelques jours à la maison, hein? Allez, grimpe. Grincheux, tu te pousses, oui. Tu vas rejoindre Hatchoum et Joyeux à l'arrière et tu laisses ta place à Cendrillon. Oh, fais chier, celle-là. Mais tu te calmes, oui. Tu arrêtes de râler et tu files à l'arrière. Oh, excuse-moi, Cendrillon. Hein. Il est vraiment de pire en pire. 2 ans de pédopsie et ça ne t'arrange pas du tout. On laisse tomber, c'est pas grave. Hatchoum! Oh non, Hatchoum, merde, quoi! Tu arrêtes d'éternuer dans la purée de Joyeux? Oui, je sais que ça le fait marrer, mais c'est dégoûtant! Qu'est-ce qu'il y a, prof? Non, il n'y a pas de problème. Tu veux de l'eau, c'est ça? Oui, de l'eau. Non féminin, substance liquide et naturelle inodore, incolore et sans saveur à l'état pur. Ok. Mais dis-moi, Blanche-Neige. Il n'est jamais là pour t'aider le soir, ton prince. Il fait ce qu'il peut, tu sais. C'est un choix qu'on a fait. Il est en train de gravir les échelons à l'UMP, ça demande des sacrifices. Tu vois, ce soir, il dîne en tête à tête avec Fillon, c'est important. Je veux pas être un obstacle à sa carrière. Et puis, je suis super fière en même temps. Ah, excuse-moi. Oui, Clochette. Oui, ça va moyen. T'es au courant? Oui. Albert a le démon de midi, on dirait. Oui. Chut! Mais faut vous tester! Oui, chut! Oh. Joyeux, tu finis ton flambé? Ouais, attends, Clochette, je vais à côté là parce que. Attends, 2 secondes, hein. Mais enfin, Cendrillon, t'es dingue! Pourquoi t'es allé te réfugier chez Mère Courage? Je te les foutrais sous lithium, les 7 là. Mais tu veux que je fasse quoi, Clochette? Je peux quand même pas retourner chez ma belle-mère, hein. Mais t'es où, là? T'es pas toute seule? Arrête, Jonathan, arrête. Comment dire? Je suis avec une petite friandise, si tu vois ce que je veux dire. 17 ans, bâti comme un dieu, un cul, je t'en parle même pas. Bon, qu'est-ce que tu vas faire, alors? T'es parti? Pour de bon? Je sais pas. Je suis paumée. Y a Albert qui arrête pas de me laisser des messages... Mais je suis en colère, Clochette, super en colère. Je me sens trahie, humiliée. J'ai pas envie de lui parler, là, tu vois. Écoute, prends un peu de chance, trouve-toi un job. Moi, c'est le boulot qui m'a sauvée. Et tu verras. Mais je sais rien faire. Bah, le ménage. Y a pénurie de bonnes femmes de ménage et t'étais quand même la reine, quoi. La loose. Écoute, je te laisse. Ciao, ciao. Ok, bisous, bisous. Ça va, Cendrillon? Bon, je voulais te dire, il y a un lit libre dans la chambre des nains. Hein, je viens de les coucher. Tu t'installes, tu fais comme chez toi, ok? Je peux pas dormir sur le canapé, plutôt? Ils sont tellement contents de partager leur chambre avec toi, là, ils seraient super déçus, tu sais. Bon, moi, je file au lit, je suis complètement claquée. Hein? Bonne nuit, ma chérie. Tu dors, Cendrillon? Non. Insomnie, non féminin, impossibilité de dormir. Chut, tous les deux. Vous allez réveiller les autres. Hatchoum! Et pourquoi tu dors pas, Cendrillon? Bah parce que sa vie est foutue, tiens. 41 ans, séparé, deux gosses et sans boulot. Tu vas ramer hein, pour trouver un autre prince, crois-moi. Oh, ça va, Grinch, pas la peine de me casser le moral. Hein. Je suis encore pas mal, je me fais inviter à un bal quand je veux. Dans tes rêves, moi je serai toi, je ravalerai ma fierté et puis je retournerai fissard trouver mon prince. Il t'a trompé, et alors ? La belle affaire, tu vas sacrifier ta vie de princesse pour un coup de canif dans le contrat ? Pff, connerie. Je sais pas. Cendrillon ? Oui, timide. Je peux venir avec toi dans ton lit ? Pourquoi ? T'as peur ? Non, je veux te faire l'amour. Oh, pitié. Coquin. Bonjour, vous êtes bien ? Sur le répondeur de Podan, laissez donc un message. Mais par pitié, ceci n'est pas un déversoir à névrose, ni une poubelle à logorée, ok ? Ah, et le haïku du jour est... Un éclat de soleil ricoche sur un bout de fer, l'espoir d'une merveille. Je vous laisse cogiter là-dessus, ok ? Des bises ! Oui, Podan, c'est Cendrillon. Écoute, je sais que t'es pas trop chaude pour mes bergers, mais là, je craque chez Blanche-Neige. Les nains me rendent dingue. Si je reste, je vais en tuer un. Entre nous, Blanche-Neige peut repasser avec ses méthodes d'éducation. Bon, please, héberge-moi. Pas longtemps, je te promets. Bon, rappelle-moi. Bisous. Bon. Nous venons de faire une petite assemblée générale et avons décidé à l'unanimité que tu ne devais pas retourner chez ton prince. Ah. Et nous avons procédé à un vote. Un vote de quoi ? Pour l'élection de ton nouveau prince. De mon nouveau quoi ? Bon, arrête de poser des questions. C'est moi ton nouveau prince et puis c'est tout. Bon, je peux te dire que ça m'emmerde, hein, mais les urnes ont parlé. Allez, femme, viens te coucher. Grincheux, c'est non. Et vous pouvez pas me lâcher, hein ? J'ai sommeil. Allez, bonne nuit, les nains.